Le cachet rouge, récit parisien, par Paul Hugounet. 4 heures du matin. Par-dessus les toits encore embrouillardés, un jour blafard tombait sur Paris, que la grande armée des balayeurs allait envahir. Dans l'avenue de Villiers, qui s'estompait, grise, frangée de petits hôtels découpant leurs silhouettes fantasques dans le ciel d'hiver, un coupé roulait rapidement. C'était le comte Jacques de Monclar, que deux hauts-steppers entraînaient d'un trot régulier vers son petit hôtel. La figure fatiguée, le linge froissé, Jacques sortait du cercle des artichauts où la partie, commencée à 10 heures, l'avait mené jusqu'aux premières lueurs du jour avec une déveine croissante de joueurs malheureux. C'était vraiment à n'y pas croire, à suspecter tout le monde, du croupier Antoine à ce duc de Tibériade qui mangeait chez les horizontales de grande marque sa fortune de prince, tant il semblait redouter de la laisser à ses neveux. Tous, maintenant, même les Juifs, venaient taquiner la dame de pique et tenir des bancos fabuleux. Ainsi, le petit Bloch avait eu une de ces chances qui marchent sans qualificatif. Une banque rasoir à rendre chauve les pontes les plus endurcies. 6 à 1 tableau, à l'autre 7, Bloch abattait 8, et si jamais le beau se trouvait aux mains de quelqu'un, c'était entre les siennes. Mais qui accusait, du reste, dans cette conjoncture, sinon eux-mêmes, membres du comité et fondateurs des artichauts? N'était-ce pas de leur faute si tel accident se produisait? Les gens du monde, très bien. Mais pourquoi laissaient-ils de la sorte la porte de leur cercle ouverte aux rastaquers américains et aux juifs cosmopolites? La cagnotte, objectait le gros gérant, ancien député, rendu par les électeurs à ses chères études et qui couvrait de son honorabilité fictive les manœuvres douteuses des râteaux du croupier. La cagnotte. Ah, ce que Jacques de Monclar s'en moquait à cette heure. Si cela continuait, on finirait par se croire à Francfort entre les aigleurs et les types riches, et tous ces tripoteurs de bourse, tous ces barons étrangers qui, pour se laver les mains dans des cuvettes d'argent, ne les en avaient pas plus propres. Et avec la mauvaise humeur que donne une culotte bien conditionnée, le comte allait et venait de sa chambre à son cabinet de travail, sans songer le moins du monde que Paris se levait et qu'il était peut-être temps de se coucher. Une armure italienne authentique, ramassée sur quelques champs de bataille célèbres et précieusement léguée aux derniers survivants des Monclar, miroitait dans le fond de la pièce avec des reflets durs d'acier poli, tandis que la bibliothèque noire assombrissait le mur et débordait de ses multiples livres, verts ou rouges, selon qu'ils étaient de science ou de roman. Du plafond à caisson descendait un lustre bizarre. Des ibis perchés sur des feuilles de lotus et tenant dans leur bec aigu de longs serpents, dont les replis formaient autour des tiges de la plante sacrée des enroulements capricieux et horribles. Deux panoplies couvertes d'armes rares, stylet espagnol et kandjar indien, épée maure et framée gauloise jetaient, sous les caresses de la lumière, un ruissellement d'éclairs, et tout autour, s'écroulant avec des teintes changeantes dans leur aspect vétuste, des portières de peluche tombaient, lourdes. « Le courrier de monsieur le comte, » murmura le groom, qui, couché dans l'antichambre, avait frotté, au roulement de la voiture, ses yeux blancs de négrillon crépus. Jacques de Monclar prit sur le plateau d'argent le petit paquet des correspondances et s'approcha d'un flambeau pour l'examiner de plus près. Des journaux, la crise ministérielle, le crime de la rue Saint-Denis, que lui importait? Une invitation pour le bal de la princesse de Langa. Le costume de singe était de rigueur. On ne pouvait être plus copure chic. Puis des prospectus officiels, des prospectus privés, beaucoup de prospectus, énormément de prospectus, et enfin, comme se dissimulant sous ce tas de choses indifférentes, une lettre à enveloppe jaune, sur laquelle une main connue avait tracé ces mots, « Monsieur le comte de Monclar, 182 avenue de Villiers, E. V. » « Qu'elle réclame ?» murmura Jacques en jetant la lettre sur le guéridon auprès du feu. Il revint fort là vers le lit et d'un geste brusque entr'ouvrit les draps. Puis, automatiquement, avec ses mouvements secs d'un homme énervé, il commença sa toilette de nuit. Comme il retirait son habit, une idée soudaine l'envahit. Si, pourtant, il tira la manche droite. Oh, ce serait... Rapidement, il bondit vers la lettre et, la retournant, aperçut un cachet rouge. Énorme, empâté, fastueux, cachet de cuisinière ou cachet perfide, pas d'armes, un hibou pour tout seul, un hibou. Non, voyons, c'est absurde. et le comte revint vers le lit. Dans la cheminée, le feu dardait ses mèches rouges, et la bûche, en crépitant, lançait des nuées d'étincelles qui, comme de lumineuses captives, s'enfuyaient bien vite et se perdaient dans le noir. Et sur le coin de la table, formant tache blanche sur le drap vert, la lettre prenait des colorations étranges, fantastiques, et le cachet rouge s'irradiait comme un œil sanglant à chaque montée d'étincelle. « Un hibou, pourquoi un hibou ?» interrogeait le comte en déboutonnant lentement son gilet. Et voilà que tout à coup, il songea à cette fenêtre mystérieuse qui, dans la nuit noire, veille, toujours éclairée sur le quai des Orfèvres. Claude, Kuhn, Taylor, la Sûreté, Tricoche, célérité et discrétion, tout cela se fit dans son cerveau comme une brusque poussée de volcan. Énigmatique et hypnotisant, le cachet luisait toujours. Drine, Drine, Drine, c'était Jacques de Monclar qui sonnait à réveiller l'hôtel entier. Dans les escaliers retentit le dévalement des domestiques et Jean, le premier valet de chambre, apparut presque aussitôt, sommeillant encore à demi, mais déjà correct. « Madame la comtesse ?»« Sortie, monsieur le comte. » Jacques pâlit. « Depuis ?»« Depuis 10 heures. »« C'est bien, allez. » Et le comte tomba anéanti sur le fauteuil en regardant la pendule qui sonnait 5 heures du matin. « 5 heures. » C'est horrible d'entendre sonner 5 heures quand on se nomme Jacques de Monclar, et que l'on apprend que depuis 10 heures du soir, madame la comtesse. Ah, parbleu, le hibou, c'était bien ça, Tricoche. Il était là, devant lui, la lettre infâme, qui venait lui crier son malheur et ne laisser sur les ruines de la félicité détruite que le ridicule du mari trompé. Jacques raisonnait pourtant. Il avait peut-être eu des torts. Ce fol engrenage de la vie parisienne, ses fêtes, ses redoutes au cercle, ses nuits passées autour de la table de baccarat, il y avait de quoi faire naître des soupçons. Dans l'isolement, les femmes réfléchissent toujours et devinent parfois. N'ont-elles point, du reste, des amies complaisantes ayant doublé tous les caps de la vie conjugale et habiles aux intrigues et aux dissimulations? Parbleu, ce devait être madame de Pontigny, cette baronne douteuse, qui, bien que n'étant pas cosaque, traité en liste tout pianiste qui l'approchait, que s'il avait appris le bouquet envoyé un soir de folie par le comte de Monclar à la petite Clémence des nouveautés, tout un roman avait aussitôt germé dans cette cervelle de perverse, et entre ses mains, Anne de Monclar devenait l'impuissante marionnette qui s'agite sur une scène, inconsciente de ce qu'elle joue, comédie ou drame. Il vous délaisse, donc il vous trompe. Avait-on crié aux oreilles de la jeune femme, qui cherchait une cause à son ennui, un motif à sa peine? Aussitôt, madame avait cru, et maintenant, docile à la tactique de ses conseils, madame se vengeait. Se venger de la sorte, ah, et un tel jour! Dans la tête enfiévrée de Jacques, des visions anciennes reparaissaient avec une netteté de photographie évoquant, dans ses moindres détails, toute la cérémonie nuptiale dont c'était aujourd'hui le premier anniversaire. Certes, quand, il y a 12 mois, il menait à l'hôtel Anne de Kéradour, perdue dans ses voiles blancs d'épousée, quand il l'introduisait dans le vieux castel breton à travers le parc, éclairé par les torches de 2 rangées de piqueurs, quand il lui montrait, hautaine et glaciale en leur cadre déteint de la salle des gardes, toutes les dames de Monclar, depuis Anne-Marie, qui épousa un neveu des Valois, jusqu'à Yvonne Espérandine, qui fut fusillée par les Bleus, certainement alors il ne songeait point que le jour viendrait où, rentrant à son foyer, il y trouverait son lit déserté et son honneur flétri. Ah, les filles honnêtes! Épousez-les donc, rangez-vous, laissez-la horizontale et comédienne, et à la place de ces femmes joyeuses qui ne volaient que votre bourse, vous aurez une madame de Monclar, femme légitime du comte Jacques de Monclar, qui vous broiera le cœur entre ses mains roses et traînera dans une alcôve quelconque les 3 merlets de votre écu. Car comment douter encore? La lettre n'est-elle pas là? La lettre qu'Henri n'ouvrira pas, qu'il ne veut pas ouvrir, car il ne connaît que trop ce libellé perfide dans son tour arrondi. Inutile de chercher un nom au bas. Ce n'est même pas signé. Un ami. Comme les correspondances anonymes qui ensanglantent les petites villes. Au bas des lignes dénonciatrices, il y a certainement quelque adresse de policier, d'un monsieur qui travaille dans l'intérêt des familles, et qui, par ses petites recherches, forme des dossiers pour séparation, divorce, procès civil et judiciaire. Et après la délation nette du fait, le prix demandé, la double série des renseignements offerts avec son double tarif, enfin le post-scriptum qui recommande les investigations personnelles de ce mouchard de haute volée, et tout cela cacheté d'un hibou, l'oiseau louche des ténèbres. Ah, cette lettre !» Et devant ce témoin muet qui ne demandait qu'à parler, Jacques tremblait, redoutant de sa voix, se craignant lui-même. Puis, tandis que l'évocation du passé lui rendait plus cruelle l'heure présente, il se souvenait des départs furtifs de la comtesse le matin vers 10 heures. Que de fois, il l'avait rencontrée de la sorte sur le seuil, et toujours, avec la courtoisie du galant homme, il s'était effacé pour lui faire place, sans même lui demander où elle allait. Elle allait chez lui, parbleu, chez lui. Mais qui, lui? La lettre le dirait. Déjà, Jacques se rapprochait du guéridon. Sa main touchait l'enveloppe quand il s'arrêta. À quoi bon? Lire? Les rejoindre? Les tuer? Ah oui, les tuer. Et après? Un scandale effroyable. L'honneur de deux familles livrées à la risée des chroniqueurs, et Alexandre Dumas, fils, applaudissant dans la coulisse. Non, décidément, ce monde était trop vilain pour qu'on fît quelque chose pour lui, et tous ces gens trop bêtes pour qu'on se rougît les mains en leur sacrifiant une femme. Au fond, était-elle si coupable, cette Anne de Kéradour, qu'il chérissait encore dans son infamie même? N'était-ce point plutôt lui qui avait brutalement, légalement, confisqué ce cœur, déjà donné peut-être à un autre? Et c'était ce serment qu'on tenait à l'heure actuelle, en dépit du contrat humain qui croit enchaîner l'amour. Oh, les jeunes filles! Sphinx éternelle, plus impénétrable que les antiques statues d'Égypte. On les jette dans nos bras qu'elles ne sont plus nôtres. On nous les livre déjà fiancées, et ces corps de vierge appartiennent à quelque amant idéal avant le baiser impie du mari indifférent. Refaire la société, Jacques n'y pouvait plus songer. Il en était arrivé à cette heure de dégoût et d'accablement où la vie vous ennuie et où, comme monsieur de Camors, on la quitte. Triste flamme, éteins-toi. Machinalement, le comte murmura ces mots, tout surpris d'être aussi calme dans cette déroute de sa raison, stupéfait de ses souvenirs de théâtre qui l'assaillaient à une heure pareille de sa vie. Et involontairement, la comparaison lui vint entre Donna Maria de Neuenburg, épouse d'un vieux roi chasseur, et Anne, femme d'un clubman qui éteint la douce flamme de son foyer à la rampe de gaz d'un petit théâtre. Ruy Blas? Non. Madame de Monclar était trop fière pour descendre si bas. Et dans cet écroulement de son rêve d'avenir, l'espoir lui restait cependant d'être trompé au moins par quelqu'un de son rang. Le feu dans l'âtre s'endormait sous un tombeau gris de cendres. La lampe du guéridon ne donnait plus qu'une lueur vacillante, et sous les tentures baissées, le jour luisait en gerbe de lumière qui perçait au coin des rideaux. La pendule sonna 6 heures. Sur le drap vert de la table, le cachet rouge luisait toujours avec un air sinistre. Jacques de Monclar marcha vers la bibliothèque, poussa un bouton et tira d'un tiroir secret une boîte carrée, où, dans une gaine de velours, dormaient 2 pistolets d'acier, une merveille au point de vue de l'armurier comme de l'artiste. Il n'avait jamais servi encore, et c'était là le dernier cadeau de ce pauvre de Gerval, mort depuis un mois, en conquérant le précieux Tonquin. De Gerval, encore un qui ne souffrait plus ni de l'injustice des hommes, ni de la duplicité des femmes, ni de la sottise de nos conventions sociales. Jacques n'allait-il pas le retrouver tout à l'heure dans ce monde dont nul ne revient, parce que probablement l'on y est plus heureux qu'ici-bas? Calme, le comte vérifia les armes avec un soin jaloux, renouvela l'amorce, s'installa dans un fauteuil commodément pour ne pas tomber sur le tapis, puis, levant l'arme, l'approcha de son front. Là, près de la tempe, il ne se manquerait pas. « Allons, finis les Monclar, » murmura-t-il. Mais avant de lâcher la détente, le cachet rouge attira une dernière fois ses regards. La lettre. Au bruit de la détonation, on pouvait venir, la trouver, et alors que devenait cet honneur auquel il se sacrifiait tout entier? D'un coup de pied, il rejeta dans le foyer les bûches à demi consumées et fit tomber la missive contre le feu qui renaissait. De la sorte, tout disparaîtrait avec lui et Anne elle-même pleurerait cet époux qu'il aimait assez pour lui épargner jusqu'à un remords. On croirait à une nouvelle affaire Calissano, un suicide causé par des pertes de jeu. Il aurait une colonne dans le Gil Blas, un article dans le Sport. On lui prêterait des mots qui jamais n'étaient sortis de ses lèvres, des maîtresses dont il avait ignoré jusqu'à l'existence, et on lui reconnaîtrait peut-être quelques-unes des qualités qu'il possédait. Paris est si doux aux morts. Les rivalités se taisent devant une tombe. et les médiocrités encensent pour faire croire qu'elles peuvent juger. Pauvre Jacques de Monclar. Et pour la dernière fois, le comte reprit l'arme. Flac. Une porte qui s'ouvre, un cri, une femme affolée qui, avec des gestes d'insensé, se jette sur le comte, lui arrache son arme, et sanglotant, criant, trépignant, le couvre de baisers et de larmes. Mourir, toi, mon Jacques, et pourquoi ? La voix était si naturelle, le geste si spontané, que le comte de Monclar fixa gravement Anne de Kéradour, puis, d'une voix cinglante, « Pourquoi, madame ? Vous demandez pourquoi Jacques de Monclar se brûle la cervelle ? Eh bien, c'est pour ne point savoir d'où vient sa femme à cette heure. » Mais elle ne l'écoutait plus, l'enlaçant dans ses bras avec des mouvements de couleuvre, lui créant une atmosphère d'amour, et plus désirable que jamais dans le désordre de sa toilette, au milieu des folles mèches de ses cheveux blonds, avec ses grands yeux bleus noyés de larmes et fixes de surprise. Comment ? Il ne savait donc pas ? À 10 heures, le téléphone faisait rage dans l'hôtel, pas même le temps de faire atteler. Un fiacre est au galop chez sa pauvre marraine, la douairière de Trévenoc, en proie à une seconde attaque qui la laissait à demi paralytique après 5 heures de souffrances atroces, malgré les 3 médecins qui, figés et roides, discutaient à son chevet. C'était cependant incroyable que Jacques ne fût pas prévenu, car on avait de chez les Trévenoc envoyé partout, à l'opéra, au cercle, où du reste le petit Bloche avait fait répondre que le comte de Monclar n'était point venu ce soir-là aux artichauts. Oh, l'affreuse nuit pleine d'angoisse et de terreur ! Et pendant qu'elle assistait, tremblante, à l'agonie de la douairière, son Jacques s'était créé, elle ne savait quelle chimère, et dans l'énervement de l'insomnie, bâtit un adultère là où il n'y avait pas de quoi ternir une hermine. Mais cela, le comte doutait encore, enragé dans son système, refusant toute créance à cette attaque soudaine qui lui en trouverait cependant une succession considérable, fermant les yeux à la vérité, quelque séduisante qu'elle pût être. Cela, et du doigt il montrait à Anne l'enveloppe jaune qui flambait déjà dans l'âtre et le hibou qui semblait, au milieu de la flamme, s'ébattre comme tordu par un rire diabolique. Cela, Anne de Kéradour se brûlait les doigts à la lettre maudite, l'arrachant au néant comme une proie vengeresse, ne voulant point laisser au foyer ce témoin qui, après avoir accusé, devait justifier enfin. « Cela, tiens, lis !» Et riant à travers ses larmes, elle tendit à son mari la grande feuille commerciale par laquelle le sieur C. Houet, chemisier, boulevard Malesherbes, prévenait son client, monsieur le comte de Monclar, du nouvel agrandissement de ses magasins. Jacques se sentait vaincu, mais dans sa retraite, un dernier doute l'assiégeait. « Et tes fugues le matin à 10 heures, Anne ? Trouveras-tu pour les justifier d'aussi bonnes raisons ?»« De meilleurs méchants. Qui oubliait que c'est demain le 14 mars, et par conséquent un anniversaire ?» Se disant, elle entraînait câlinement le comte vers le grand salon, que le soleil, victorieux des brumes du matin, incendiait de ses jeunes rayons. Là, au-dessus d'un meuble exquis de boules, entouré d'une riche bordure, un portrait de femme, terminé de la veille, attirait tous les yeux, tant par la grâce du modèle que par la maîtrise du peintre. Triomphale dans sa beauté, la comtesse de Monclar s'y dressait vivante, tandis que dans le coin, la signature saignait vermillonnée « Carolus ». « Et maintenant, vivras-tu ? » s'écria-t-elle en tombant dans les bras que Jacques lui tendait grands ouverts. Ainsi s'achève le cachet rouge de Paul Hugounet.